Ah, ah, c'est l'intro, l'intro. On va les couilles, gros. On va écouter. Les sequins, bande d'enfoirés. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Les boycottés, ouais. Aka l'ogive nucléaire. Que les autres MC préparent leur cul à une orgie funéraire. Je me satisferai de votre malheur pour que ma vie soit meilleure. Je pense pognon pas aux valeurs, mais dans le rap je suis pas un menteur. Je te chourave, je me nache after, pas le temps de crier aux voleurs. Comme un fou malade au volant, je suis là pour découvrir tes peurs. Fuck tout vos détracteurs, si t'es un camtar, je suis un tracteur. Ça rappe, ça fume jusqu'à pas d'heure. Je lâche des textes, fusil mitrailleur. Tu veux du com, va voir ailleurs. Recette dans la pochette, c'est routine, c'est la routine. D'où on vient, y'a peu de chances que la route tourne. Quand y'a plus de shit, j'tourne. J'perds mon chakra comme Naruto. Tu m'en bats les couilles, t'es v'là l'auto. Si tu pues la merde, v'là l'auteur. J'ai plus de chances de me faire shooter que de toucher des droits d'auteur. Bande de lécheurs de glands. J'nique la police, les procureurs, faut enfiler les gants. Faire des sous, se barrer ailleurs. Oui, on est moins qu'avant. Il reste que les larmes et les pleurs. Les boycottés. Aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Tu voulais la vie de rêve, mais t'es dans un cauchemar. Chaque jour faut que tu te lèves pour partir au bon char. Pas le choix sinon qui paye le loyer et les charges. Bélec pour une bouteille, la mise te fera du charme. Tu voulais aider ta mère, mais tu lui as mis les larmes. Quand sa père qu'ils a la guerre pour des histoires de kilogrammes. Combien de jeunes sans repère, dis-moi qu'est-ce que fait l'État. Gros, j'ai du mal à partir comme un feutre Véléta. On sait que tu voulais que ses cuisses, mais t'as fini dans ses bras. J't'invite pas à suivre mes pas, car moi-même je sais pas où ça va. Beaucoup ne t'aiment pas, mais te demandent si ça va. Arrêtez vos blabla, gros, on en a marre de tout ça. Tu dis que t'as ci, tu dis que t'as ça, que t'as fait ci et que t'as fait ça. Mais on sait que t'es un Stéphane. Bref, t'avais une belle maison, mais t'as fini dans une cabane. Avarie de la vie, gros, quand ta femme t'en achève. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Je me pète la tête aux narcotiques, moi. Je consomme la bullshit, moi. Tu juges et tu critiques, toi. Si t'es pas content, casse-toi la vie. C'est court et ça fait mal, et toi tu vis ta bourse, ça devient normal. Attitude de chacal, on titube, on pas chave, et ça devient banal. Tous les soirs on se pète des grammes, ça devient grave, faut qu'on se décale car on se dégrade, gros. Viens pas, je suis préparé. Les boycottés, ça reste bien talé. Tu kiffes le 16 qui est bien calé, flow qui est précis, qui est décalé. Donc mec, à l'aise, tu payes ta 16 et on va se mettre à l'ouest. Moi je suis souvent devant le bateau, j'attends que la vie mette en plein phare. J'en ai marre de faire que des petits pas, contenter que des petits plats. Une feuille, un stylo, c'est parti, je déchire le mic, c'est à l'ancienne. Ça vient de la banlieue parisienne, là je réside sur Paris, c'est yes. L'opposé dans la caisse, bédaf, des grosses matraques d'amnèse. Rajoute de la fumée épaisse, t'inquiète, si y'a les schmitts, je les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire. C'est la bastos qui vient de canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on sait faire que la guerre. Phrase brute, nique sa mère la pute. J'ai des beats sur le beat, ouais, ouais. Boycotter ma team, oui, t'as reconnu l'équipe, oui, oui, oui. Rouleur de weed, fumeur de shit. Faut que je passe mon liquide, loin des suceurs de chip. Je veux tout tout de suite, mon gamos ma vie là tout j'dis. Et je fais Tommy quand l'OPJ retranscrit tout ce que je dis. Toujours pas de ce que j'dis dans les bacs, mon pote. J'écris mon bloc, motherfuck. Je tourne en rond comme la bac en bas du bloc. Coffee shop dans le froc, avec le sourire ça t'escroque. Ça fait du sale mais on reste propre. Tu te pas soulevé à 6 du mat, même si tes stocks fais pas le mec au top. La seule fois que t'as freestyle en radio c'est obligo sur Skyrock. Ma caille, je te répondrai que dalle si tu me demandes au la quétale. Je coupe la Zouploska à l'oasis tropicale. J'accélère pendant qu'un intro qui cale. Ici c'est le 9-4, mais autant de pute qu'à la place Pigalle. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire, c'est la bastos qui vient canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on ne sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire, c'est la bastos qui vient canner en slogeant dans la terre. Les mecs cagoulés, le soir qui viennent pour faire ta guerre. Rien à foutre de faire la paix, nous on ne sait faire que la guerre. Les boycottés, aka l'ogive nucléaire, les boycottés, aka l'ogive nucléaire, les boycottés, aka l'ogive nucléaire, les boycottés, aka l'ogive nucléaire.